Non, Yolaine, pleurer pendant l'amour, ce n'est pas un viol. Non, Yolaine, je suis beaucoup moins violeur que tu n'es folle. Oui, Yolaine, je sais bien qu'il faut tuer les idoles. Mais Yolaine, calme toutes tes copines et leurs banderoles. Je sais, Yolaine, tu as tant que choix connu pour me descendre. Mais Yolaine, je serai mort bien avant de me défendre. Car Yolaine, je t'ai pas attendu pour être suicidaire. Oui, Yolaine, sous le poids de tes mensonges, je quitterai la terre. D'adolescent, mais sûrement pas un viol. Faire l'amour il y a 9 ans après une dispute folle, c'est de la fâcherie d'adolescent, mais sûrement pas un viol.